La mécréance indéfinie n'implique pas toujours la mécréance individuelle. Explication de cette règle. La définition de la mécréance indéfinie est de la mécréance individuelle. La mécréance indéfinie en arabe, at-takfir al-mutlaq, est le fait de désigner un acte ou une parole comme étant une cause d'apostasie. Exemple. Dire que l'alcool est licite. Interdire la polygamie. Nier qu'Allah a un visage ou deux mains, etc. On dira alors, celui qui dit que l'alcool est licite est un mécréant, ou celui qui dit que la polygamie est interdite est un mécréant, sans viser quelqu'un de précis. La mécréance individuelle, en arabe, at-takfir al-mu'ayyin, c'est le fait d'attribuer la mécréance à une personne précise en ayant commis une mécréance indéfinie. Le statut de mécréance ne sera appliqué sur la personne précise que lorsque les conditions d'apostasie seront réunies et que les empêchements auront disparu. En effet, il arrive qu'une personne contredise un enseignement de l'islam qui ne s'oppose pas en soi au témoignage qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Comme par exemple celui qui pense que l'alcool est licite par ignorance, car la preuve de son interdiction ne lui a pas été accessible. Il est donc resté sur le principe de base, que toute chose est permise jusqu'à preuve du contraire. Sa parole, l'alcool est licite, est une mécréance, car elle contredit les textes divins. Mais elle ne s'applique pas sur lui, car il existe un empêchement d'apostasie, l'ignorance. Cette ignorance l'empêche donc de démentir consciemment l'interdiction de l'alcool, car le démenti n'existe qu'après que la vérité ne soit parvenue. Alors il se peut que les textes ne soient pas parvenus à cet homme, comme nous l'avons vu dans le chapitre de l'ignorance et de l'interprétation. Et le fait d'ignorer l'interdiction de l'alcool n'entraîne pas d'ignorer l'unicité d'Allah, ni de rejeter la prophétie de Mohammed. Et vu que les musulmans à la Mecque connaissaient l'unicité d'Allah, avaient foi en la prophétie de Mohammed, et pourtant ils ignoraient que l'alcool est illicite, vu qu'Allah ne l'avait pas encore révélé. Cela prouve que lorsqu'un homme n'a pas été informé de l'interdiction de l'alcool ou d'autres substances illicites, à cause qu'il est nouveau dans la religion, ou qu'il vient d'un désert lointain par exemple, cette ignorance ne l'empêche pas d'être musulman. Il faudra donc lui enseigner la chose. Puis s'il continue de croire que c'est permis, après avoir su que le prophète l'a interdit, là, il ne fait aucun doute de son apostasie de l'islam. Ibn Qudama dit, et il fut rapporté que Qudama ibn Mal'un but du vin en considérant cela comme licite. Alors Omar appliqua sur lui la peine de l'ivrogne et ne le jugea pas mécréant. Il en est de même pour Abu Jandal ibn Suhail, le groupe qui fut avec lui. Ils burent le vin au Shem en le considérant licite sur base du verset « Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé. » Mais ils ne furent pas jugés mécréants. On les en informa de l'interdiction du vin et ils se repentirent. Alors, et là, on leur appliqua la sentence. Et ceci s'applique sur celui qui est semblable à eux. Il aura le même statut. Il en est de même pour tout ignorant de quoi que ce soit qu'il lui est possible d'ignorer. On ne le juge pas mécréant tant qu'il n'a pas eu connaissance de cela, que l'ambiguïté cesse, et qu'il le légalise après cela. Et l'imam Ahmed a dit, quiconque dit que le vin est licite, c'est un mécréant. On lui ordonne de se rétracter, et s'il ne se rétracte pas, on lui tranche la tête. Et ceci concerne celui qui, une telle interdiction ne peut échapper, comme nous l'avons dit. On dit donc que la parole ou l'acte est une mécréance, mais celui qui la prononce ou commet ne devient pas mécréant tant que les conditions ne sont pas réunies et que les empêchements n'ont pas disparu. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit « Bannir de l'islam une personne donnée repose sur des conditions et des empêchements. Or il se peut qu'elle soit inexistante chez un individu donné. Et la mécréance indéfinie n'implique pas forcément la mécréance de l'individu donné qui la commet tant que les conditions ne sont pas remplies pour son cas et qu'il n'y ait plus aucun obstacle. » Nous pouvons voir cela lorsque l'imam Ahmed et les imams en général déclaraient ces généralités, sans juger mécréant tout autant la majorité de ceux qui tenaient ce genre de propos. Ces généralités, c'est-à-dire celui qui dit que le Coran est une créature, est un mécréant, ou celui qui dit que personne ne verra Allah dans l'au-delà, est un mécréant. Question. Cette règle est-elle valable pour celui qui contredit directement le témoignage qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager? La réponse. Cette règle ne s'applique pas sur celui qui contredit directement les deux témoignages, que ce soit en donnant un associé à Allah ou en prenant un autre que le prophète Mohammed pour guide religieux. Les éminents Cheikh Abdullah et Ibrahim tous deux fils de Cheikh Abd al-Latif al-Cheikh ainsi que Soleiman ibn Sahman ont dit. Quant à ce que tu évoques concernant la déduction que font certains opposants à partir des propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quiconque célèbre notre prière et se tourne vers notre Qibla et mange de ce que nous sacrifions, voilà le musulman. Ou d'autres hadiths ressemblant à celui-là. Ceci n'est que la déduction d'un ignare qui ne connaît pas les textes du Coran et de la Sunna et qui ne sait même pas qu'il ne sait pas. Car certes, les hadiths doivent être placés dans le contexte des hérétiques de cette communauté dont l'hérésie ne les expulse pas de l'islam, comme les khawarij et ceux de ce genre. Cela ne sort pas de l'islam, vu que le fondement de la foi est présent et ancré en eux. Or, on ne jugera pas de la disparition totale de la foi tant qu'il n'y a pas un élément invalidant sa base. Puis ils disent, mais pour ce qui concerne les jahmiyas et les adorateurs de tombes, le seul qui puisse déduire de ce genre de texte qu'il ne faut pas faire leur takfir, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est vraiment l'islam, ni quel est le vrai message pour lequel Allah a envoyé les prophètes. Car en effet, le vrai message qu'ils ont envoyé et apporté n'est autre que l'obligation de n'adorer qu'Allah lui seul, sans aucun associé, et de lui consacrer les œuvres de culte, et de ne lui associer qui que ce soit de ses créatures dans ce droit qui lui revient obligatoirement, et qu'il soit décrit d'après les descriptions qu'il a lui-même fait de son être, comme attribut de perfection et adjectif de majesté. Celui qui s'oppose à ce qu'ils ont apporté et l'invalide ou l'abolit, c'est un mécréant égaré, même s'il dit qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et prétend qu'il est un musulman. Parce que ce qu'il a commis comme association à Allah contredit ce qu'il a prononcé comme parole du monothéisme. Il ne lui sert donc à rien de dire qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, puisqu'il a dit ce qu'il ne pratique pas et sans être convaincu de ce que cette parole signifie. Quant à ce qu'il dit, nous disons que la parole est mécréance, mais nous ne jugeons pas mécréant celui qui le prononce. Le fait de déclarer cette règle dans l'absolu sans précision est une ignorance pure, car cette expression ne peut se prononcer que sur un individu. Or, la question de bannir un individu de l'islam est un thème bien connu. Lorsqu'il dit une parole dont la prononciation est une mécréance, on dit que quiconque tient ses propos est un mécréant. Mais l'individu donné qui la prononce ne sera pas banni de l'islam qu'après que la preuve dont l'abandon est une mécréance lui sont présentées. Et ceci concerne les questions subtiles, dont les preuves peuvent échapper à certaines personnes, comme par exemple les questions relatives au destin, à l'irgé et autres professions d'hérétiques. En effet, certains de leurs propos contiennent des éléments impies, qui réfutent les preuves du Coran et de la Sunna avérées. Or, les propos consistant en une réfutation des textes sont mécréances. Mais on ne donnera pas le statut de mécréant à celui qui les tient lorsqu'il existe une probabilité que l'ignorance puisse empêcher de lui donner ce statut et qu'il n'a pas connaissance des textes qu'il est en train de contredire, ni des preuves, car les lois ne sont imposables qu'après avoir été transmises, comme le mentionna Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmahullah, dans beaucoup de ses livres. Et il évoqua aussi le takfir de certaines personnalités parmi les philosophes, juste après avoir établi ce principe, et il dit que ceci ne concerne que les questions subtiles. Il est possible que dans ce cas, on ne prononce pas le takfir de l'individu. Mais lorsqu'il s'agit de contredire des questions élémentaires et évidentes, ou bien ce qui est inévitablement connu en religion, là, il ne faut pas hésiter sur la mécréance de celui qui le profère. Et le Cheikh Ishaq ibn Abd al-Rahman et le Cheikh a dit, il m'est parvenu et j'ai entendu qu'un groupe prétendant être savant et religieux et qui poursuivent soi-disant l'enseignement du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab dire que celui qui donne un associé à Allah et adore les idoles, on ne lui donne pas personnellement le nom de mécréant et d'idolâtre. Ceux qui m'ont rapporté cela ont entendu que certains frères avaient traité de mécréant et d'idolâtre un homme qui implorait l'aide du prophète et qu'un homme leur dit « ne le traitez pas de mécréant sans lui avoir expliqué ». Puis il dit « puis leur hérésie s'est répandue au point qu'elle a fini par se propager entre certains frères privilégiés. Et ceci est causé, et Allah sait mieux, par le fait qu'ils ont délaissé les livres expliquant les fondements et de leur non-intérêt de ces livres, ainsi que leur absence de peur de l'égarement. Ils se sont détournés des lettres du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, ainsi que les textes de ses fils, alors qu'il s'y trouve suffisamment de quoi élucider toutes ces ambiguïtés. Et ceci car certains de ceux que nous avons mentionnés ont fait une recherche à ce sujet, puis ils ont fini par dire « Nous disons aux adeptes du culte de ces coupoles, ainsi que celui qui est enterré, ton acte est du polythéisme, mais nous ne disons pas de lui qu'il est polythéiste. Regarde donc et loue ton Seigneur et implore sa pitié, car ceci n'est autre que l'une des réponses d'El-Iraqi que le Cheikh Abd al-Latif ibn Abd al-Rahman et le Cheikh a réfuté, Et celui qui m'a rapporté ce fait m'a mentionné aussi le fait qu'il interrogea certains de ses étudiants à ce sujet, ainsi que de leur argumentation, et ils ont répondu qu'ils font le takfir de l'espèce en général, mais pas de l'individu précis, sauf après lui avoir expliqué. Et le sujet dont nous parlons, c'est l'adoration d'Allah seul sans associé, et le fait de rompre avec l'adoration de tout autre que lui, et que celui qui adore avec Allah un autre que lui a certes commis le grand polythéisme, qui fait sortir de la religion. Et ceci est le fondement de tous les fondements, et c'est avec ce message qu'Allah envoya tous les prophètes et révéla tous les livres, et qu'il établit la preuve par le biais du messager et le Coran. Et c'est ainsi que tu trouveras la réponse des imams de la religion à ce sujet, et que leur principe au sujet du takfir de celui qui donne un associé à Allah, c'est qu'on lui ordonne de se rétracter, et que soit il se repent, soit il est exécuté. Et ils ne parlent jamais du fait d'expliquer à l'opposant lorsqu'il s'agit des fondements, mais ils ne mentionnent l'établissement de la preuve que pour les sujets subtils, dont la preuve peut échapper à certains musulmans, comme les points où les hérétiques se sont disputés, comme les qadarites et les murji'a, ou les questions subtiles, comme le sarf et le atf. Mais comment serait-il une condition d'établir la preuve aux adorateurs de tombes alors qu'ils ne sont pas musulmans et qu'ils n'entrent pas sous la nomination de l'islam ? Est-ce qu'il reste la moindre œuvre lorsqu'on donne un associé à Allah ? On voit bien que les savants ne font pas de différence entre la parole ou le geste et son auteur lorsqu'il s'agit d'une personne qui agit librement en commettant ce qui contredit la signification du témoignage « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Point à retenir. La mécréance générale, c'est le fait de désigner un acte ou une parole comme étant une cause d'apostasie. La mécréance individuelle, c'est le fait de juger une personne précise mécréante pour avoir commis une cause d'apostasie. La mécréance individuelle ne peut pas être prononcée lorsqu'il manque une condition ou qu'il existe un empêchement. Lorsqu'une personne commet une cause d'apostasie, on dit que sa parole ou son acte est une mécréance et on s'abstient de bannir de l'islam son auteur tant que les conditions ne sont pas réunies et que les empêchements n'ont pas disparu. Cette règle ne s'applique pas à celui qui donne un égal à Allah.